Le site touristique de la Chute à l'eau vous accueillera cet hiver. Plusieurs services vous seront offerts. Location de chalets, sentiers de raquettes, accès direct via les sentiers régionaux de motoneige, restauration avec service de bar et entrée gratuite sur le site. Pour plus d'informations, visitez lechutealour.com. On devait parler avec Stéphane Lebeau aujourd'hui, mais on n'est pas dans l'impossibilité de le rejoindre. Par contre, on va parler avec un autre gars de hockey, un autre de nos collaborateurs, c'est Joe Hardy. Salut Joe! Salut, jeune homme, comment vas-tu? Ça va bien, ça va bien. Joe, Zardy Zalapski, qui est décédé l'année dernière, hier, c'est-à-dire, c'est-tu moi, mais c'est un bon défenseur, mais ça n'a pas été le défenseur qu'on avait on avait pensé qu'il viendrait dans l'instant. Moi, je me rappelle quand il avait été repêché, on disait que ce serait un défenseur étoile. C'était un bon défenseur, mais sans plus. Hein? Oui, c'est ça. Ça n'a pas été une vedette, là. Disons que je me rappelle moins, là, parce qu'on a oublié depuis ce temps-là, ouais. Mais... ça a été un gars qui devait... C'était un autre Bobby Orr, là, mais oui. Était loin de ça. Mais c'est un bon joueur de hockey. Là. Tu sais, quand tu as joué dans les nationales, là, c'est parce que tu as tout de même un certain talent. Là. Mm. Mais il n'est pas devenu ce qu'il devait être. Là. Non, définitivement. Donc, c'est malheureux. 49 ans décédé. Mais quelque... C'est jeune. Hein? C'est jeune au bout. Là, mais... C'est très, très jeune. Joe, je veux te parler du Canadien. Encore une fois, le Canadien, c'est des hauts et des bas. Je parlais avec Marc Fortier il y a quelques semaines. Marc me disait... Il faut pas monter en peur quand ça va pas bien, puis il faut pas partir en peur quand ça va bien aussi. Et forcé d'admettre que, écoute, le Canadien s'était remis dans le décor avec cinq victoires consécutives. Mais quand on regarde ça, c'était deux fois les trois. Il y avait également Columbus, puis il y avait une autre équipe qui était faible également. Buffalo. Donc c'est pas avec ça qu'on. C'est pas avec ça. Ouais, mais par contre, il faut faire attention là. Tu sais, c'est des victoires, puis ils jouent dans une division qui est très faible. Là. Puis normalement, ils devraient être capables de faire des séries. T'sais, ils ont juste à finir troisième dans leur division. Là. Ils sont pas loin de Boston. Oui, Boston a 4 games en main, mais il faut qu'ils gagnent. Ils ont 2 points d'avance, mais il faut qu'ils gagnent 2 games. Mais en même temps, pour revenir au propos de Marc Fortier, c'est sûr, que ce soit dans n'importe quel sport. Puis dans la vie de tous les jours. Tu sais, quand ça va bien, t'es pas obligé de monter dans les rideaux. Quand ça va mal, t'es pas obligé de descendre en bas non plus. Mm-hmm. Mais chez le Canadien, tu sais, ça demeure une équipe comme quelques équipes dans la Ligue nationale, puis je dirais même la plupart. Si ton gardien de but numéro un fait le job, t'es en voiture. Tu sais, ils ont joué des matchs plus faciles. Price avait pas besoin de faire des grands arrêts. Ils ont pogné une coupe de game un peu plus difficile, Saint-Louis Edmonton. Price était un petit peu plus, il y a eu un petit peu plus de misère. Mais en même temps, je parlais à Ron Fournier récemment, c'est le Canadien, c'est une équipe, c'est faut le dire, c'est une équipe ordinaire. Ben ouais. Une équipe ordinaire, tu sais. Écoute, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. Mais là, tu sais, on blâme un, on blâme l'autre, on blâme Pacioretty. Personne ne parle trop, mais Drouin ne fait pas grand-chose non plus. Oui, mais, il était malade récemment, mais il n'y a pas une grande saison. Là. Mais c'est même pas bien de ne pas laisser aller pour rien. Là. Mais c'est toi qui disais l'autre jour que c'est pas un joueur de centre, Drouin. Bon, après, d'abord, c'est pas un joueur de centre. Non. Son poignet actuellement, tu sais, Dano, je l'aime bien, c'est un bon petit joueur de hockey, puis tu le quittes. Écoute, il est deuxième à égalité, deuxième compteur du Canadien. Là, c'est pas normal, là. Mais je dis pas que c'est pas un bon joueur de hockey. Il faut faire attention. Mais en même temps, tu sais, Drouin, c'est parce qu'il essaie de trouver quelqu'un pour jouer avec Pacioretty, il essaie de le placer avec des gars qui vont marcher. Parce que normalement, quand tu es un excellent joueur de hockey, tu peux jouer n'importe qui, là, ou la plupart du temps, en tout cas. Là, tu peux jouer n'importe qui. Mais là, on regarde Pacioretty, le meilleur temps qu'il y a eu avec le Canadien, je pense que c'est avec Desharnais, tu sais. Ouais. C'est pas facile pour lui, mais moi, je regardais ses statistiques, puis... il y a quelques buts vainqueurs, il y a beaucoup de shots, il y a beaucoup de lancers au filet. Mais c'est pas un gars de 6 pieds 2 qui s'implique beaucoup physiquement. C'est un sniper. C'est un bon joueur de hockey. C'est un bon joueur de hockey. Moi, j'ai dit à Ron Fournier, puis je vais le dire à toi, puis je suis pas gêné de... Moi, c'est ce que je pense, c'est que sont mieux de le signer ou de l'échanger, parce que lui, il ne signera pas à Montréal. Il va l'écouter une beurrée. Tu sais, d'après moi, il est malheureux, ce gars-là, parce qu'il voit qu'est-ce qu'ils ont donné comme salaire alentour de lui. Il n'est pas payé trop cher là, pour ce qu'il a donné pour le Canadien. Là. Ils ne l'ont jamais renégocié. T'sais, des saisons de 30 buts. Moi, je pense qu'il est très malheureux sans le laisser savoir, sans le faire voir. Alors moi, si je me dis, s'il ne l'échange pas, D'abord, hein, moi, je pense que ça serait une erreur de l'échanger. Là. Ouais, moi, je pense que c'est drôle, mais je l'échangerais, moi. Parce que ce gars-là, t'en donneras jamais plus que ça, puis il va demander pas mal plus que ça. Ouais, mais en même temps, là, tu vas avoir moins bon. C'est comme n'importe quel gros ailier. Tu vas avoir moins bon que lui. C'est un peu comme là, tout le monde parle Carlson, tu sais, s'il était échangé. Tu n'auras pas aussi bon Carlson. Non. Tu peux pas avoir aussi bon Carlson, c'est le meilleur. Alors, tu sais, Pacioretty, c'est un bon. Si tu l'échanges, tu n'auras pas aussi bon Pacioretty. Il n'y a pas une équipe qui va donner un Pacioretty pour avoir Pacioretty. Là. Non. S'il y a un gars qui. Si le gars est meilleur que Pacioretty, ils ne le donneront pas pour avoir Pacioretty. Fait qu'il faut faire attention à un genre de joueur comme Pacioretty qui est élevé dans l'organisation du Canadien. Il faut qu'il trouve un joueur de centre. T'sais, Bergevin, là, on a beau dire ce qu'on voudra, ça fait quelque temps que l'équipe attend un joueur de centre de calibre. Puis ça s'est pas passé encore. Je comprends que ça tombe pas des arbres, là. Mais, tu sais, il y a d'autres équipes qui ont bougé. Tu sais, Ottawa, ils ont touché Duchesne. Turris est rendu à Nashville. Oui, mais on sait ce que ça donne, Matt Duchesne, à Ottawa, actuellement. Oh, non, mais ça, il faut faire attention. Des échanges. Moi, je me rappelle d'avoir été échangé. Et puis, je suis arrivé à Indianapolis. J'avais une bonne saison à Chicago. Puis, on a eu des accrochages, le coach, le kit. Mon premier match, j'ai eu deux échappés. J'ai même pas frappé le net. J'ai jamais été capable de me retrouver. Ils m'ont rééchangé à San Diego. Une transaction, là. Ça peut peut-être que l'an prochain, Duchesne va être premier compteur de l'équipe, va scorer 35 buts. Là, ça se peut aussi qu'un joueur ne fit pas, excuse-moi l'expression, mais ne fit pas dans le système de l'équipe aussi. Oui, mais tu sais, les systèmes, il faut faire attention. Ouais. Comme je disais récemment à quelqu'un, tu sais, les systèmes, quand tu me parles de ça, c'est bon, là, parce que, ouais. Tu sais, exemple, si on se fie à ce qu'on entend à Montréal, à la dernière période de transaction, Bergevin ne pourra pas bouger, là. Parce qu'on n'arrête pas de nous dire que les gars, ils apprennent le système à Claude Julien, mais c'est un crème. Quand est-ce que ça va s'apprendre? S'ils font des échanges à la dernière période de transaction, les gars, ils vont aller chercher, n'auront pas le temps d'apprendre le système. C'est pas si compliqué que ça. Là, okay, ouais. Moi, je pense que c'est ça. Quelque part, ouais. Moi, à Ottawa, le problème, malheureusement, j'aime pas ça dire ça, là, mais d'après moi, Boucher, là, il est dans l'eau chaude, puis il peut... Tu sais, l'équipe performe pas. Hey, c'est quoi 10 matchs sans victoire? Là, il n'y a pas une équipe qui veut les affronter. Il m'a dit une affaire. Là. Mettons, supposons qu'ils perdent à soir contre les Rangers. Là. Moi, si j'étais Claude Julien, je serais nerveux pour samedi. Ils sont dû pour Nagon. Ils ne perdront pas tous les matchs jusqu'à la fin de l'année, les autres-là. Non, c'est ça. Ils sont dû pour Nagon y une, puis le Canadien ne peut pas se permettre d'en perdre trop. Là. Je pense que les carottes sont cuites dans le cas de Guy Boucher, de la manière qu'il joue. Là, Moi, je pense que ça va. Écoute, Melnick va pogner les nerfs. D'abord, ils ont demandé à les huit joueurs qui ont des contrats qui ont des contrats ils peuvent pas les échanger. Ils leur ont demandé de lever la clause de non-échange. Mm-hmm. Puis Carlson a donné le nom de 10 équipes où il voulait pas aller. Alors là, la foire est pognée. Puis moi, je pense que Boucher, il est pour quelque chose. C'est un gars qui croit beaucoup à son système. Mais là, il compte pas de but, Ottawa. Tu peux pas gagner. Puis en plus, faut dire une autre chose. Puis je suis pas que je suis content de le rappeler. Mais c'est leur gardien numéro un ne fait pas le job. Anderson ne fait pas le job. Est-ce qu'il a déjà été un grand gardien de but numéro un? Tu sais, moi, Greg Anderson, tu sais comment je le vois, Joe? Je le vois comme pas assez bon pour être premier puis trop bon pour être deuxième. Ben écoute, regarde, là, quand il est allé à Colorado, est ordinaire. Ouais. Talent en Floride, est ordinaire. M'a dire une chose. L'an passé, il y a 2 ans, c'est-à-dire il était merveilleux. Moi, je suis très d'accord avec toi. Je suis pas convaincu, mais je le regarde aller. Puis quand Ottawa l'a re-signé pour 2 ans, j'ai dit « Oh, yoye! » Mais il a fait la job, là, 2 ans. Mais là, il l'a pas pantoute. Et puis l'autre affaire que je voulais dire, que moi, je pense qu'à Ottawa, si on a beau dire « Oui, Boucher », mais je pense que le décès de Brian Murray, c'est un gars qui, tu sais, quoi que les gens peuvent dire de lui, là, il avait la main haute sur l'équipe. Hein? Puis je suis pas sûr, d'abord, au départ, que... pas sûr qu'il a engagé s'il avait été à prendre la décision d'engager Boucher, je suis pas sûr qu'il l'aurait pris, moi. Mais tu regardes l'historique de Guy Boucher, c'est pas un entraîneur qui a fait du long terme avec son équipe, hein? Bah, tu sais, il y a eu du succès aussi, là, tu sais, dans la Ligue américaine avec Hamilton, quand il était dans l'organisation du Canadien, ils ont gagné. Junior, il a bien fait, tu sais, comme j'ai déjà dit, je pense que c'est à toi aussi, je l'ai dit. Tu sais, il y a un coach qui gagne dans chaque ligue par année, là. Tu sais, le gros trophée, que ce soit la ligue que ça voudra. Alors, à partir de là, tu sais, puis je te faisais la comparaison, quand les gens ont planté Therrien, si on regarde le record de Therrien et Julien, entre les deux, il y a une différence, c'est qu'il y a eu une Coupe Stanley de la part de Julien. C'est l'année que Thomas était merveilleux. Fait que, tu sais, là, tout le monde, on plante Therrien, mais Therrien, à ce que je sache, là, quand ils l'ont mis dehors, il était en tête, là. Ouais, sauf t'sais, que, tu sais, je pense que c'était le temps qui part. Non, moi, je dis pas qu'on devait pas le laisser aller, là. Mais, tu sais, à quelque part, là, alors là, la raison pour laquelle je parle de ça, c'est que, tu sais, pourquoi qu'on a donné 5 ans à Julien, là? Je comprends pas ça, moi. Tu sais, Ottawa, là, ils ont 2 ans avec Boucher. Fait qu'au pire aller, tu sais, cette année. Mais là, Ottawa, c'est une des équipes qui a changé le plus souvent de coach depuis 6-7 ans, là. Ouais. Tu sais, ça marche jamais, le coach. L'année passée, il était à un but d'aller en finale de la Coupe Stanley, là. Il est en même équipe cette année, mais le départ, moi, Turris, je l'aime mieux que Duchesne. Mais Duchesne est un meilleur joueur de hockey, mais j'aime mieux Turris parce qu'il est droitier. Puis droitier, ben, c'est rare, hein. Des centres droitiers, il n'en pleut pas. Parce que les bons ailiers, normalement, c'est des ailiers gauches, puis un centre droitier peut lui donner la rondelle plus facilement. Puis j'écoutais justement ce midi à Sportsnet. Apparemment que le départ de Therese a fait mal un petit peu dans le vestiaire au niveau de la. Oui, c'est ça qu'on raconte là. Aussi. J'écoutais Alain Saint-Cartier qui disait la même affaire. Alain Saint-Cartier disait la même affaire. Puis une autre affaire aussi, c'est que. Puis je parlais avec le descripteur des matchs des Sénateurs la semaine passée. Eugene Melnyk, là. Apparemment que c'est un Jerry Jones. Oh, il prend de la place, là. Apparemment que c'est un Jerry Jones. Puis ça, là, il est pas content. Il est pas content, là. Puis en plus, ça a l'air qu'il est pas très fier de son ami Carlson. Mais tu sais, là, Carlson, il a juste dit les vraies choses. Tu sais, c'est une business. Puis lui, il va aller chercher ce qu'il peut aller chercher. Puis il regarde, là. Mais parce que, soyons honnêtes, là, comme je regardais l'alignement des Sénateurs hier soir, là, dans leur match, là, contre Buffalo. Ottawa n'a pas d'affiches qui sont là. C'est une meilleure équipe que ça. Ouais. Les gars, tu sais, les Brassard et compagnie, des 14-15 games sans scorer. Tu sais, Ryan, là, ça n'a pas de bon sens, là. Carlson, là, 2 points, je pense, dans les 17 dernières games, là. Mais c'est une meilleure équipe que le Canadien. Tu sais, ce matin, j'ai Au niveau talent, au total, oui. Mais individuellement, ils n'ont pas un Carey Price, tu sais, quelque part. Mais ils ont un Carlson qui est, d'après moi, meilleur que Weber, là. Peut-être pas le même genre de joueur, mais meilleur. Puis à l'attaque, là, tu sais, ils ont des bons joueurs de hockey, là. Tu sais, Canadien, à part de Gallagher, qui en donne 150. Puis même Dano. Moi, écoute, hier soir, je me faisais une petite liste pour le fun, là, puis je me disais, mettons, je suis à Montréal, là, tout le monde serait échangé à l'exception de Price, Weber, puis Dano. Je garderais Dano. Ben, on peut garder même Weber. J'hésitais entre Weber et Mété, là. Parce que Weber, il a pris de l'âge. Tu sais, mais exemple, pour revenir à Ottawa, Carlson, là, tu sais, j'entendais ça. Il va avoir 30 ans bientôt ou 29 ans. Là, tu peux pas donner un contrat de 8-10 ans à ce gars-là à 10-12 millions par année. Là. Non. Mais. Il vaut mieux de l'échanger. Là, pour répondre à ta question, j'inclurais chez Weber là-dedans. Tu sais, chez Weber, d'abord, je serais très surpris qu'elle fasse les séries. Quand cette transaction-là a été faite, moi, je m'attends. J'avais dit Canadien à court terme, Prédateur à long terme. Puis chez Weber, pour une équipe qui fait pas les séries, puis soyons honnêtes, ça va être ça encore pendant plusieurs années. Weber, c'est un défenseur que je vois dans une équipe qui est aspirante à la Coupe Stanley. Pas qu'une équipe qui est... Puis son contrat, là, va être long. Il va faire mal, comme le contrat à Price, mais comme je te disais récemment... C'est le cas. Je suis content que tu dises ça pour Weber, parce que moi, je le dis depuis le début, je te l'ai dit à toi à ton émission, je le disais à Ron Fournier aussi, c'est Weber, il a coûté cher, parce que quand tu regardes jouer Sergachev présentement... C'était le futur de l'équipe, puis Bergevin l'avait collé lui-même. Il avait perdu Radulov, puis ils ont été chercher Drouin, puis là, ben Weber, avec Weber, puis tu sais, il y avait une couple de stars. Mais en même temps, où je suis pas d'accord avec toi, Danny, malheureusement, ben Noël s'en vient, on va se faire des amis pareils. C'est que moi, je pense pas que le Canadien va manquer si irritant que ça. Puis c'est ça le problème. C'est que ça nous donne une division faible et quelques victoires collées, parce que Boston, par contre, je dirais que d'ici 3 ans, ça va être du calibre des Leafs de Toronto. Ils ont d'excellents jeunes joueurs qui ont introduit dans l'alignement là, qui vont être prêts dans une couple d'années. Mais c'est ce que le Canadien ne fait pas. Il faut toujours faire les séries, puis ça, c'est ça. Écoute, hein, faire les séries, mais là, mais moi, je dis qu'on va les manquer, peu importe. Mais peu importe, qu'on les fasse, puis qu'on se fasse sortir en première ronde, ça donne quoi? C'est 2 matchs, Je te dirais, par contre, Danny, que, tu sais, Jeff Molson, lui, il va te dire, ça va nous donner des millions. Mais, tu sais, en même temps, écoute, on n'arrête pas de dire ça, là, qu'à Montréal, les gens accepteraient pas ça, mais je suis pas sûr qu'ils accepteraient pas, là. Mais, tu sais, ça dépend de ce que tu finis, mais encore là, ça dépend de l'année de la draft, s'il y a des bons joueurs à la draft. puis les gars que tu vas chercher, tu sais. Tu sais, je regarde New Jersey, là. New Jersey, ils ont parti de loin, là, regarde ce qu'ils sont. Ils ont fait quelques bonnes transactions, ils ont des jeunes, ils les ont introduits dans l'alignement, mais, parce qu'il y a quelqu'un qui va sûrement te dire ça, le joueur dit, je savais pas de quoi qu'il parlait, Schneider, dans le net. Ouais. Là, il fait un job, et, cette année, c'est un des meilleurs de la ligue, là. Ouais. Hey, c'est un goal, là. Ouais. Joe, je veux te parler des Nordiques, OK? Ben, du retour des Nordiques. Hier, j'ai parlé avec un éternel optimiste, Mario Hudon. le président, c'est lui qui aurait dû être le président de la Nordic Nation, et donc Jérôme Landry, là. Écoute, comment tu vois ça, toi? Hein? Écoute, moi, je pense qu'à quelque part, Bettman, là, ça peut pas être plus clair que ça, là. Puis qui... Écoute, là, dire, d'abord, au départ, les gens, puis j'en parle souvent à l'endroit où je m'entraîne, il y a des gens qui je parle de ah, regarde, Bettman n'aime pas. Tu sais, c'est d'abord un, là, ce qu'il faut se dire, c'est la même chose dans la Ligue junior majeure du Québec, la Ligue d'Ontario, la Ligue de l'Ouest, dans le junior. C'est pas le président de la Ligue, ou appelez comme tu voudras, c'est pas Bettman qui décide qu'il n'y aura pas d'hockey à Québec pour l'instant. C'est les propriétaires, c'est les gouverneurs des équipes, quand ils se réunissent. Hey, tu sais, Jacobs, d'abord, hein, c'est pas Bettman qui a parlé de même. C'est quoi qu'il a dit Jacobs l'année passée? C'est un marché extrêmement petit. Et voilà. Fait que, tu sais, c'est pas Bettman qui dit ça. Non, je sais, mais c'est parce qu'on aime ça. Il y a deux choses là-dedans. Il y a le messager puis le message. Mm. Le message, là, il vient de Jacobs, puis le messager, c'est Bettman. Tu sais, fait que, moi, je pense, écoute, en face, que je peux te dire ça, mais le centre Vidéotron, il va falloir qu'il le refasse en neuf quand on aura une équipe à Québec. Sais-tu ce que j'ai dit à blague? Ça va être à refaire en neuf, ça n'a pas de bon sens. Là. Joe, sais-tu ce que j'ai dit à blague? Je sais que ça n'arrivera pas, puis écoute, là, c'est même pas une suggestion, mais ça serait drôle. Là. Ça n'arrivera pas parce que, premièrement, ça coûterait trop cher le voyagement, puis deuxièmement, il n'y a pas un télédiffuseur qui voudrait diffuser les matchs. La KHL. La KHL? Ouais. Ouais, ça c'est. Je sais que ça n'arrivera pas, mais ça serait amusant pareil. Juste voir la face à Bettman, là. Mais tu me dis que c'est pas. Ce serait amusant. Ben, on dit que ça n'arriverait pas, là. Tu sais, aujourd'hui, il n'y a rien d'impossible. Ouais, mais. Tu vois que. Les gens en Russie, c'est des bons voyages, là. Mais... Tu vois-tu TVA Sport diffuser un match à 8h le matin? Québec à Moscou. Non, au niveau de la télévision, ça serait pourri à l'os, là. Ouais. Donc, mais c'est pour en ça, même temps, tu sais, mais qui viendrait jouer à Québec, là? Pour jouer dans le KHL, ben, toujours sur la route, là, tu sais, tu passes, ça serait des voyages de 15 jours, 3 semaines, là. Ben, moi, ce que je te dis, c'est que si on engloutit, mais tu sais, on parle pour parler, puis je sais que c'est irréaliste, là, mais on parle pour parler, là. T'as des gars comme David Desharnais, qui est probablement cette dernière année dans la Ligue nationale. Un gars comme Pierre-Alexandre Parenteau. Tu mets 75% de joueurs québécois. Tu as joué dans l'Association mondiale, Joe, tu dois le savoir. Oui. Oui. 75% de Québécois. Je te dirais que je te dis pas que ça marcherait pas. Mais encore là, ça marchera pas par une question de logistique. Moi, les voyagements, puis il n'y a pas un diffuseur qui va avoir diffusé un match entre Québec puis Pékin à 4h le matin. Là. Soyons honnêtes. Non, c'est juste ce bout-là qui serait difficile, mais ça pourrait être juste les games locales. Ça pourrait être juste téléviser les matchs locaux. Là, ça pourrait marcher. Mais en même temps, à Québec, faut être honnête, là, je parle au niveau des gens, je parle pas au niveau monétaire, là, je peux pas répondre. Au niveau des gens, l'attitude des gens au niveau du hockey, à Québec, ils sont prêts pour une équipe de la Ligue nationale. On se comptera pas de mentir, ils ont le building, ils ont des hommes d'affaires qui pourraient s'impliquer, ils sont associés à Vidéotron qui est... Tu peux pas avoir Pelado, là, c'est le gars le mieux placé. Il a son propre réseau de télévision. Là. Mais je suis de moins en moins convaincu, Joe. J'ai pas d'informations, puisque ce que je dis à Mario Hudon hier, j'ai aucune information, mais juste à voir de la manière qu'il se comporte. Je suis pas sûr que le Québécois est encore intéressé. Je ne suis pas tout seul. Oh, non, mais si jamais... Ouais. Écoute, on ne sait pas, là, mais si la Ligue nationale appelle... si Bettman appelle Pelado pour lui dire, regarde, on est prêt à te donner une franchise, puis voici le prix, mettons, je te donne un chiffre, c'est 150 millions... C'est Pelado va faire des téléphones, là. Tu sais, on va amener une équipe de baseball à Montréal, là. Il y a des gens qui n'ont de l'argent, là. Non, je crois bien plus à l'équipe de baseball à Montréal qu'une équipe de hockey. Mais ça, c'est une autre histoire. Je n'ai pas fait ça non plus, mais ce que je veux amener, pourquoi je mentionne ça, c'est que, tu sais, quand ça serait le temps, il y a des gens qui peuvent se lever. Parce que ton peut pas, là, Pelado, ce que je cherche, il est à Montréal. C'est un gars de Montréal, là. Ouais. Alors, pourquoi que ça ne s'associerait pas avec des gars de Montréal pour avoir une équipe à Québec? Parce que la journée que Québec reçoit une nouvelle franchise dans la Ligue nationale, le Canadien va virer de saut pas à peu près. Là. Est-ce que Jeff Molson, en terminant, moi, je pense que c'est pas bête du tout. Jeff Molson veut les retours des Nordiques? Ça va pas rire. Là. Mais non, ça va pas rire. Non, Danny, c'est une vraie farce. Voir s'il veut le retour des Nordiques. Ouais. Hein, dans le fond, là, tu sais, soyons honnêtes. Mais à ben, alors, toi puis moi, on ne sait pas, on n'est pas dans ces souliers. Là. Mais c'est toi, un voudrais-tu le retour voudrais-tu le retour des Nordiques, c'était Molson, toi? Non. Tu sais, dans le fin fond, là. Mais, si on y pense comme il faut, ça ne serait pas méchant pour eux autres non plus. Ça serait bon pour lui, Molson, ses hommes de hockey, là, ils travailleraient plus fort, peut-être. Il disait, regarde, il faut être meilleur que les Nordiques. Là, moi, j'en ai déjà parlé avec Serge Savard. On parlait de ça quand je suis allé à l'antichambre. En passant, moi, être là vendredi. OK, bon, c'est bon, ça. Vendredi, 9h30, ouais. T'sais, on en parlait, c'est que tu fais du hockey puis il y a un club à Québec, là. T'sais, c'est comme Ottawa. Ottawa, là, ils trouvent ça tough parce que Toronto, les Anglais, là, Toronto, ils sont pas contents, Ottawa, là, ils vont y aller Toronto. C'est parce que là, Toronto est rendu l'équipe de l'heure, l'équipe que tout le monde regarde, t'sais, les jeunes. Fait que là, tout le monde dit, j'entendais, t'sais, même regarde, tu regardes Colorado cette année, là. T'sais, ils vont mieux. Ils vont mieux. T'sais, à un moment donné, les jeunes, faut les faire jouer. C'est parce que là, à Montréal, là, Price va être rendu à 36 ans à un moment donné, puis Weber, puis t'inquiète, puis là, c'est toi puis moi, on va dire, on l'avait dit il y a 8 ans, là, mais il va être trop tard peut-être. Là. C'est sûr, j'ai surveillé plus l'Avalanche, puisqu'on a un gars de Robert Val, Samuel Girard, qui on regarde souvent. Puis c'est une belle fierté. Hey Joe, on va s'en reparler après les fêtes, je te souhaite de joyeuses fêtes. Ben oui, tu m'as souhaité bonne fête d'ailleurs l'autre jour, ce qui était très gentil de ta part, puis moi aussi je te souhaite des joyeuses fêtes, puis écoute, entre-temps... Je suis obligé de te dire, Danny, arrête de dire qu'ils font pas les séries, les Canadiens. S'ils font pas les séries, là, c'est parce que ça va aller mal en tabarouette. Ben, moi, ça fait des bien plus bons shows quand ils vont mal. Ben oui. C'est sûr, là, mais en même temps, moi, je suis pas une personne, j'ai pas d'équipe préférée vraiment, là. Mais moi, m'a dire une chose, j'aime ça quand le Canadien fait les séries, parce qu'il faut penser au niveau business, au niveau affaires. Dans la région de Montréal, c'est excellent. TVA Sport, TVA Sport, TVA Sport, puis les restaurants, les brasseries, appelle ça comme tu voudras, les bars. Tu sais, là, faut tout de même si on n'est pas obligé d'être partenaire du Canadien, là, c'est l'équipe, c'est notre équipe, c'est l'équipe locale. Ça attire du monde dans les bars, puis c'est les lignes ouvertes. Un gars comme toi qui est dans le sport, ça fait parler les gens, puis c'est plaisant. Puis je répète, moi, Danny, là, il va falloir se mettre les points saisis. Moi, je dis qu'ils vont y faire des séries. Ben, j'ai hâte d'avoir. Ils devraient faire facilement, mais. Oh. Joe, on s'en reparle début 2018. Ben, peut-être avant si le Canadien fait une transaction. Oui, peut-être avant, oui, effectivement. Joe Andy, notre collaborateur.